Rien ne me fait perdre la confiance en moi-même. Je crois que je peux vaincre les barrières avec mes rimes. Je crois que je peux demander au ciel l'estime en moi-même pour la consolation de cet être qui manque des âmes cristallines. Je suis presque un petit pot de sable dans ce monde énorme et coquelicot. Des gens lâches qui mordent la queue quand ils voient que la plus grande lutte s'approche. La lutte qui doit trouver la paix pour continuer la vie en paix. J'ai des dons de la paix aujourd'hui pour accueillir ce que tu me donnes. Je ne cache rien du tout, mais je vais sublimer mes énergies dans la mer. Dans le flot trop, la courade ingrate pensée. Et qu'on peut jouer aussi dans des endroits simples et purs. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard.